الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. للونج تاديو سينيور دي زونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين، et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين. Mes frères, mes sœurs dans la religion. نتابع دروسنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours avec la sira, la biographie du prophète, paix soit sur lui, مع الدرس الثالث عشر. Et ça va être la leçon numéro 13. وعاد الطفل محمد صلى الله عليه وسلم من عند حليمة ليعيش مع أمه آمنة بمكة. Et l'enfant Mohammed, prière et salut sur lui, est revenu de la part de Halima pour vivre enfin avec sa mère Amina dans la Mecque. وبقي مع أمه ما يقارب السنتين. Et il resta avec sa maman Amina à peu près 2 ans. ثم سافرت به أمه إلى يثرب. Et après, sa maman l'a pris avec elle vers Yathrib dans un voyage. Yathrib, c'est Médine d'aujourd'hui, Al-Médine. Yani Médine, اليوم كانت تسمى Yathrib. Le nom autrefois de Médine, c'était Yathrib. سافرت به إلى أخواله بني النجار للذين تابعوا معنا الدروس من البداية إذا كانوا يتذكروا تلك العلاقة بين يعني عائلة محمد صلى الله عليه وسلم وعائلة بني النجار. Donc le voyage était vers Yathrib, vers Médine, pour rencontrer les oncles maternels du prophète Mohammed, paix soit sur lui. لزيارة قبر أبيه عبد الله. Et pour rendre visite à la tombe de son père Abdullah. C'est la femme fidèle à son mari. Lorsque son fils a atteint l'âge à peu près de 6 ans, elle va le prendre pour lui dire « Celui-ci est ton père, c'est la tombe de ton père Abdullah. » ليعرف أباه ويعرف قبر أبيه في المدينة. فكان أول سفر لمحمد صلى الله عليه وسلم للمدينة. سيسافر من بعد مهاجرا للمدينة، ولكن سافر إلى المدينة لست سنوات. Ça va être le premier voyage du prophète, paix soit sur lui, à Médine à l'âge de 6 ans à peu près. Lui qui va voyager de la Mecque à Médine après pour faire la migration, pour faire la hijra. Mais là, c'est le premier voyage vers Médine. وَبَقِيَ شَهْرًا فِي الْمَدِينَةِ. Les deux restèrent à peu près un mois à Médine, le fils et sa maman. رَأَ أُمَّهُ تَجْلِسُ بِجَانِبِ قَبْرِ أَبِيهِ. Il a vu avec ses propres yeux sa mère s'asseoir à côté de la tombe de son père Abdullah qu'il n'a jamais vu. رأى دموعها تنزل على أبيه. Il a vu les larmes que versait sa mère à côté de la tombe de son père. هذا الأب الذي لم يره ولا مرة. Ce père qu'il n'a jamais vu même une fois. وانتهت الزيارة. Et après un mois, le voyage prit fin. وفي طريق العودة إلى مكة. Et lors du retour vers la Mecque, مرضت آمنة. آمنة طنبة مالاد. وماتت بالأبواء. Et elle a rendu l'âme à son Seigneur dans un lieu qui s'appelle Al-Abwa, بين مكة والمدينة, qui se trouve entre la Mecque et Médine, قريب من المدينة, proche de Médine. La maman est morte. ماتت الأم. ماتت آمنة. آمنة maintenant est morte. ورأى محمد صلى الله عليه وسلم أمه تموت أمام عينيه. Et Muhammad, prière et salut sur lui, vit sa mère rendre l'âme, sa mère malade, mourir devant ses yeux. وعمره ستة سنين, à l'âge de 6 ans. وهنا أصبح يتيما لأبيه ولأمه. Et là, il devint vraiment un orphelin du père et de la mère. Ni père, ni mère. وفي المدينة رأى قبر أبيه الميت. À Médine, il a vu la tombe de son père mort, ça fait longtemps. وهنا رأى موت أمه. Et tout de suite, il a vu la mort de sa mère. وقبرها. Et il a vu sa tombe. Ça fait quelques instants, il a vu la tombe de son père. Et du coup, il voit maintenant la tombe de sa mère. يعني هي لحظات رأى تودع مع قبر أبيه. والآن أمه التي كانت حية يراها في قبر وهو عنده ست سنوات. تخيلوا هذه المشاعر. رأى موت أمه وقبرها وودعها في الصحراء. Et il a fait les adieux avec sa mère dans le désert. في شهر واحد رأى قبرين لحبيبين. Dans un unique mois, dans un seul mois, il a vu deux tombes de deux personnes très aimées à lui. أبيه وأمي, sa mère et son père. اللذين ماتا وعمرهما لم يجاوز الخامسة والعشرين سنة. Les deux parents morts avant de dépasser l'âge de 25 ans, en pleine jeunesse. وكأن مهمتهما في العالم كانت هي ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. Et comme si leur mission dans ce bas monde était uniquement donner cet enfant qui est Muhammad. Et après, finit la mission, hop, vers le ciel, vers Dieu subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْيَتِيمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتَأَلَّمْ لِمَوْتِ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَزَالُ فِي الْبَطْنِ. Si cet orphelin, Muhammad, n'a pas souffert à la mort, ou devant la mort, ou la perte de Abdullah, son père, parce qu'il était encore dans le ventre de sa maman, فَقَدْ تَأَلَّمَ لِمَوْتِ أُمِّهِ فِي الصَّحْرَةِ. Il a bien souffert devant la mort de sa bien-aimée maman dans le désert. أَمَمْ عَيْنِي. Parce que la mort a eu lieu devant ses yeux. وَبِمُنَاسَبَةِ الْمَوْتِ. Il y a l'occasion de la mort. أَقُولِ بِأَنَّ الَّذِي يُقَرِّرُ الْمَوْتَ هُوَ اللَّهِ. À l'occasion de la mort, je dis que celui qui décide la mort est bien Dieu, le Très-Haut. قال تعالى, il dit, lui qui est le Très-Haut, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أي نفس وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. نفس عبد الله, نفس آمنة, نفس أبوك, نفس أمك, يعني كلها بإذن الله, نفسك أنت بإذن الله. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu. Qu'il soit Amina, Abdullah, toi, ton père, ta maman, C'est lorsqu'il y aura la permission de Dieu, lorsqu'il y aura la décision de Dieu, il y aura la mort. Personne ne peut écourter, personne ne peut prolonger si la décision de Dieu est prise. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit, fixé à l'avance. Ainsi dit Dieu dans un verset coranique. Insanun mathalan mata lahu walad. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a perdu un enfant. Son enfant est mort. 40 sana, à l'âge de 40 ans. Kana yusa'idu. L'enfant aidait son père. De son travail, il aidait son père. Taqulu lahu man a'taka hadha al-walad. Après la mort de son enfant, tu lui dis « Qui t'a donné cet enfant ?» Tu es en train de pleurer, tu es énervé, tu n'es pas satisfait de la mort de ton enfant. « Qui t'a donné cet enfant ?» Il a dit « Allah ». Il va dire « C'est Dieu ». On va lui dire « Celui qui t'a donné hier l'enfant, aujourd'hui, il l'a repris. Où est le problème ? A'taka bil ams, akhadha al yawm, ayna al mushkil ? Hier, il t'a offert. Aujourd'hui, il a repris. Où est le problème ? Farihta lamma a'taka. Tu étais heureux, tu étais joyeux, tu étais content. Tu volais de joie lorsqu'il t'a donné. Wa lam tarda lamma akhadha. Et tu n'es pas satisfait lorsque le moment de la reprise. Hadha ibtila'un lak. Il s'agit d'une épreuve pour toi, frère ou sœur. Fasbir warda bi iradatillah. Patiente-toi et supporte la volonté de Dieu avec patience. Yaqul, il va dire, walakinni uhibbu waladi. Mais j'aime un amour fou, j'aime beaucoup mon enfant. Wa man yusa'iduni al'an. Qui va m'aider maintenant? Lui, il m'aidait, il avait 40 ans, il travaillait. نقول له, on va lui dire, من كان يساعدك قبل الولد, qui t'aidait avant l'enfant, avant avoir l'enfant, qui t'aidait avant cet enfant, celui qui t'aidait auparavant, avant d'avoir l'enfant, il va t'aider aujourd'hui, il n'est pas mort. الذي كان يساعدك قبل الولد سيساعدك بعد الولد. Allah, لك الله, tu as Dieu. Si l'enfant est pris par Dieu, Dieu est toujours là. Celui qui t'aidait avant d'avoir l'enfant, il t'aidera, compte sur lui. Akhi, ukhti, frère, sœur, kullu ma tamlik min a'ila, tout ce que tu possèdes comme famille. Imagine maintenant, fais le tour, combien tu as de famille? Compte dans ta tête la famille. حسب العائلة اللي عندك. شوف كلش ولادك بناتك. يعني هاد الناس اللي عندك إلى غير ذلك زوجتك كلش. شوف. كل ما تملك من عائلة. Tout ce que tu possèdes comme famille. عطاء لك من الله. C'est un don à toi de la part de Dieu. Tout ce que tu possèdes comme famille. Tu n'es pour rien. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu possèdes comme chair, comme famille. Amana min Allah indak. Un dépôt confié de la part de Dieu à toi. Tout ce que tu as comme famille, c'est un dépôt de la part de Dieu à toi. Laysa laka fil haqiqati shay. En réalité, tu n'as rien. Tu ne possèdes rien. Alladhi lahu kull shay huwa Allah wa lillahi kull shay. Et toute chose appartient à Dieu. Toute la famille que tu as, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à toi en réalité. Abouk, ton père, Ummuk, ta mère, Zawjuk, ton mari, Zawjatuk, ta femme, Akhuk, ton frère, Ukhtuk, ta sœur, Ibnuk, ton fils, Bintuk, ta fille, Sadiquk, ton ami, Kulluhum Khalqullah. Tous sont des créatures à Dieu. متعك بهم لزمن محدود. Il t'a accordé cette jouissance de cette famille pour un délai bien limité, pour une durée bien limitée. ثم يأخذ ما أعطى. et après il reprendra ce qu'il a donné. Ihdar, méfie-toi, innahu ibtila, il s'agit d'une épreuve. Ibki, ihzan, pleure, attriste-toi. Walakin iyyaka an taqula ma yughdib Allah. Mais méfie-toi, lorsque tu pleures, lorsque tu deviens triste, tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu n'as pas le droit, au moment de la mort d'un proche, de dire des choses qui provoquent la colère de Dieu. Iyyaka an taluma Allah. Méfie-toi. Ne fais pas des reproches à Dieu. Ne critique pas Dieu lorsqu'il prend quelqu'un qui est très, très, très, très cher à toi. Innahu fa'alun lima yurid. Il est lui le faiseur de ce qu'il veut. Personne n'a le droit de le critiquer. Il est le Seigneur, il est le roi des rois. Personne ne peut le critiquer. Mata Ibrahim ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abraham ou Ibrahim, le fils du prophète, paix soit sur lui, décéda. Wa huwa tifl. Il était encore un enfant. Wa huwa yamut. Lorsqu'il était en train d'agoniser, qabbalahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, paix soit sur lui, l'embrassa. Wasalat 'aynahu alayhi salatu wa salam. Et ses yeux débordèrent de larmes. Wa qala, et il dit, inna al-'ayna tadma', certes l'œil pleure ou déborde de larmes. Wal qalba yahzan, et le cœur s'attriste. Yani là le prophète il te montre ce que tu dois faire face à la mort. Yani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'tik ma taf'al amam al-maut, if'al mithla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fais comme le prophète paix soit sur lui devant la mort. Wallahi, chacun de nous va voir la mort. Je ne parle pas de sa propre mort, la mort de ses proches, quelques-uns de ses proches. Dans sa vie, il va voir ça. Kul wahid fina sayara al-maut. Yani maut ahbabihi fi ad-dunya. Ba'd ahbabihi fi ad-dunya. كيف يتعامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Comment doit-il agir comme le prophète paix soit sur lui. قال, il dit, inna al-'ayna tadma'. L'œil certes pleure. Wal qalb yahzan, et le cœur s'attriste. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, mais on ne dit que les choses qui plaisent à notre Seigneur. Ça veut dire au moment de la mort. Wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun, et certes devant ta séparation ô Abraham ou Ibrahim, ça veut dire mon fils, mon cher fils, on est triste. Muttafaqun alayhi. Unanimement authentique. Wa kana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam li qarib al-mayyit 'inda al-'aza, et il disait paix soit sur lui au proche ou un proche d'un mort lors de la présentation des condoléances. Il a dit ça à l'une de ses filles lorsqu'elle a perdu son petit à bas âge. Yani qala hadha al-kalam li ihda banatihi. مات لها ولد صغير وهي تبكي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète paix soit sur lui dit à sa fille, inna lillahi ma akhad. هو يعني الله اخذ لك شيء انت شيء ديالك انت لا هو الله تعالى وتبارك الله اخذ الشيء الذي له وليس لك. ربي خذ داك الشيء ديالو ما خذش حاجه ديالك انت. لان لله ما اخذ, ce que Dieu a pris lui appartient. Dieu ne prend jamais les choses qui appartiennent aux autres. Il ne prend que les choses qui lui appartiennent. Il a pris ce qui lui appartient. وَلَهُ مَا أَعْطَى. Et ce qu'il a donné lui appartient. Auparavant, il a donné, mais la chose lui appartient toujours. وَكُلٌ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Et toute chose lui appartenant à un délai bien défini. فَلْتَصْبِرْ والتحتسب فالتصبر. ما نستطيع نفعل شيء أمام الموت إلا الصبر والاحتساب, يعني تنوي بالصبر طلب الأجر والثواب عند الله تعالى وتبارك. متفق عليه. Qu'elle supporte avec patience et conviction du salaire auprès de Dieu. Donc l'arme qu'on a devant la mort, c'est supporter avec patience et conviction du salaire pour la patience auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'on peut faire. Akhi, ukhti, frère, sœur. U'tika mithalan 'ala al-maut. Je te donne un exemple de la mort. A'tayta amanatan lirajul. Tu donnes un dépôt, tu confies un dépôt à un homme. Sayara mithalan, par exemple, une voiture. Amen. Un dépôt que je dépose chez toi, je te confie une voiture. Avec la possibilité d'utilisation de la voiture, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser, c'est mon dépôt à moi, mais tu peux l'utiliser. Et un jour, tu vas revenir pour la prendre, pour la reprendre. Pour reprendre la voiture. Et l'homme l'a utilisé, a utilisé ta voiture. Et a aimé ta voiture, ta propre voiture a été bien aimée par l'homme lorsqu'il l'a utilisée. Ou elle y fait, ça remoule le siyara, ou le fléa, les élo, à chaque année, à chaque année, ou le fa. Ou y'a mouche dialou. Ta'akmita. Et après, il a eu un attachement fort envers la voiture. Il a eu l'habitude. Il est habitué avec la voiture. Ta voiture. Et après des années, tu es revenu pour reprendre ta voiture. Est-ce que l'homme a le droit de s'énerver devant toi, de s'armer de la colère contre toi parce que tu veux reprendre ta voiture, tu veux reprendre la chose qui te revient. Est-ce qu'il a le droit de refuser de te la rendre? Il s'agit là d'une injustice. Al-asl, an yashkurak, annaka wahabtahu as-sayyara majanan. Normalement, il doit te remercier le jour de la reprise parce que tu lui as donné, tu lui as laissé la voiture gratuitement. Il a utilisé pendant des années ta voiture gratuitement, gratuitement. Normalement, ce jour-ci, tu dois le remercier beaucoup pour ce qu'il t'a donné gratuitement. De la même manière, la mort. Tachayel, rajoulen. Imagine avec moi un homme devant la mort de l'un de ses proches, il se met en colère, il n'est pas satisfait. Il y a des femmes, lors de la mort d'un proche, elles griffent les visages, déracinent les cheveux, frappent les têtes, et s'enroule dans la boue, dans la terre. Tout ceci est interdit. Tout ceci exprime l'ignorance. Imagine avec moi un autre homme devant la mort de l'un de ses proches qu'il aimait beaucoup. Il s'est montré patient. Et a agréé la volonté de Dieu. Et se dirigea vers Dieu avec ses larmes sur les joues. Et dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, toute la louange est à toi. Pour ce que tu m'as donné. Et tu as la louange entière pour ce que tu as pris. Inna lillah, kulluna lillah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui qu'on va tous revenir. Inna lillah. Nous appartenons tous à Dieu. Toi, moi, ta femme, tes enfants, nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui le retour. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est ce qu'on doit dire au moment de la mort. Wahid. L'un, le premier, sera détesté par Dieu devant la sauvagerie avec laquelle il a accueilli la volonté de Dieu lors de la reprise. Et l'autre sera aimé, préféré par Dieu subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, paix soit sur lui, dit: يقول الله تعالى, Dieu le très haut dit: ما لعبد المؤمن عندي جزاء. Il n'y a aucun salaire pour mon serviteur croyant auprès de moi. Il n'y a aucune récompense. إذا قبضت صفيه بمعنى حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه بمعنى بصبر إلا الجنة. Il n'y a aucun salaire auprès de moi pour mon serviteur croyant lorsque je prends son très cher, son bien-aimé de ce bas monde et il supporte avec patience et conviction du salaire à part le paradis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune récompense, il n'y a aucun salaire que je trouve à lui donner devant sa patience lorsque je lui prélève quelqu'un de ses proches et il se patiente à part le paradis. Mon frère, ma sœur, ta patience devant la mort vaut pour toi le paradis. Sabro. Amam al-maut ya akhi wa ya ukhti. Maut aziz lak. Ghali indak. Yu'tik Allah al-jannah. Akhad lak insan tuhibbu. Yu'tik al-jannah idha sabart. Il te prend quelqu'un que tu aimes beaucoup. Mais en contrepartie devant ta patience, il te donne le paradis. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. Ce hadith a été rapporté par l'imam البخاري. فموت الأحباب من أكبر الامتحانات الإلهية. Donc la mort des proches, des très aimés, des très chers à nous, constitue les plus dures épreuves divines ou forment les tests les plus durs de Dieu. Et on demande à Dieu de nous armer de sa part de la patience lors de l'épreuve de la mort de nos proches. Et je reviens vers l'enfant Mohammed, paix soit sur lui. Il est à côté de la tombe de sa mère Amina. Wahidan fi sahara, seul dans le désert entre Médine et la Mecque. Baqiyat ma'ahu Baraka. Une seule resta à côté de lui, Baraka, la femme qui s'appelait Baraka. Umm Ayman, la mère de Ayman, al-Habashiyya, l'Éthiopienne. الأمه التي ورث من أبيه cette esclave, cette servante qu'il a hérité de la part de son père, ce que son père Abdullah a laissé comme héritage parmi y avait cette esclave. فستكون هي حاضنته, elle sera à partir d'aujourd'hui sa nourrice, celle qui va l'élever, celle qui va le garder. في مدة سنتين انتقل صلى الله عليه وسلم بين ثلاث نساء. Pendant un laps de deux ans, il est passé d'une femme à l'autre à trois reprises. Il a changé, ça veut dire trois fois de femme. Halima, أمه من الرضاع, sa mère d'allaitement, في سن أربع سنوات. Il a quitté Halima à l'âge de 4 ans. آمنة أمه الحبيبة في 6 سنوات معنى دام معها سنتين. Sa mère très aimée آمنة qu'il quitte là à l'âge de 6 ans, ça veut dire il a passé 2 ans avec elle. بركة الأمة الحبشية. Et maintenant بركة, la servante, l'esclave éthiopienne. الحاضنة الأمينة, la nourrice fidèle, رضي الله عنها, que Dieu soit satisfait d'elle. Sha Allah an ya'khud ummuhu al-hurrat al-bayda. Dieu a voulu, la volonté de Dieu a voulu lui prendre sa mère libre et blanche. وتربيه الأمة السوداء. Et Dieu a voulu qu'il soit élevé par la servante, par l'esclave noire. لأنه هو الذي سيحرر العبيد في المستقبل. Parce que c'est lui qui va libérer dans l'avenir les esclaves. Il va être élevé par une esclave pour donner la liberté aux esclaves. Il est le sauveur, il est le libérateur des esclaves. هو محرر العبيد. حرر العبيد حقيقة وحرر عبيد الشهوات. Il a libéré les esclaves réels et il va libérer les esclaves de leurs passions et désirs. وأحب صلى الله عليه وسلم بركته كما أحب أمه. Il aima par la suite Baraka comme il a aimé sa mère Amina. فكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها في الكبر. Et lorsqu'il est devenu âgé, prophète, il disait d'elle Ummu Ayman, Ummi, Ba'da Ummi. Ummu Ayman, la mère de Ayman Baraka, est ma mère après ma mère. هي من بين أول النساء اللواتي دخلن الإسلام. Elle fut parmi les premières femmes à embrasser l'islam. مرة بالمدينة. Une fois à Médine, après des années et des années, de ce moment où il est seul avec elle devant la tombe de sa mère, dans le désert, des années par la suite, à Médine, fil Médine, نظرت أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب. Elle a vu, une fois, le prophète, paix soit sur lui, en train de boire. فقالت اسقني. Elle dit, serre-moi, ça veut dire, entre guillemets, mets-toi à mon service. Ukhdumni, isqini, serre-moi, donne-moi à boire. قالت عائشة رضي الله عنها, أتقولين هذا لرسول الله? Aïcha, l'épouse du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle, répliqua, tu dis ceci, tu oses dire ceci au messager de Dieu, d'être à ton service? فقالت, elle dit, Baraka dit, ma khadamtuhu atol. Ana khadamtuhu atol. Sayakhdumuni marra, ana khadamtuhu atol hayati. Ce que je l'ai servi est plus que ça. Il va me servir une fois. Moi, j'étais à son service toute ma vie. Je l'ai servi toute ma vie. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sadaqat. Le messager de Dieu dit, elle a raison. Ce qu'elle a dit est vrai. فَجَاءَ بِالْمَاءَ فَسَقَاهَا. Il est venu avec l'eau et il l'a servi. Il lui a donné à boire. تقول بركة. بركة دي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة يبول فيها. Elle dit, elle raconte que le messager de Dieu, paix soit sur lui, avait un récipient dans lequel il urinait la nuit. فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ. Et le matin, يقول, il disait, Ya Umm Ayman, صبي ما في الفخارة. Vide le contenu du récipient, ça veut dire les urines. فقمت ليلة. Une de ces nuits, je me suis levé, وأنا عطشا. Et j'avais vraiment soif. فشربت ما فيها. J'ai bu le contenu du récipient. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu, paix soit sur lui, dit le matin, يا أم أيمن صبي ما في الفخارة. Vide le contenu du récipient. فقالت يا رسول الله شربت ما فيه. Au messager de Dieu, j'ai bu le contenu, je l'ai vidé dans mon ventre. فقال شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. Et il a bu les urines du prophète, paix soit sur lui. فَقَالَ إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَكِ بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا أَبَدًا. Il dit, certes, jamais tu ne te plaindras des maux de ventre à partir d'aujourd'hui. وفي رواية et dans une autre version لقد احتضرت من النار بحضار tu t'es حضار يعني وقاية حائط جاء حضار هو حائط معنى وضعت بينك وبين النار حائط شربت بولي يا أم أيمن سيحميك الله يعني بولي لا يشرب ولكن لما شربتي دخل في بطنك أطر من آثاري فصرت حرام على النار Ça veut dire que tu t'es protégé avec une forte protection contre l'enfer. Elle fut une pieuse, une adoratrice, une vertueuse. Hajart wa hiya sa'ima. Elle a migré de la Mecque vers Médine en faisant le jeûne. Dans le plein désert, elle observait le jeûne. Normalement, dans le voyage, on doit manger. On peut manger. Il n'y avait même pas le ramadan. Elle, de par son adoration, sa piété, elle a dit, je vais viser deux choses, deux adorations en même temps. Le voyage vers Dieu, la migration vers Dieu, le hijra, et en même temps le jeûne. هاجرت وهي صائمة فأصابها عطش شديد في الصحراء et elle a été touchée par une grande soif elle a souffert d'une forte soif فدلي عليها دلو من السماء فيهما il y a un seau qui est descendu vers elle du ciel contenant de l'eau fraîche قالت elle dit فشربت J'ai bu, fama asabani atashun ba'da dhalik. Et je n'ai plus eu soif pendant toute ma vie. Kanat tasum fi ayyam al-harb wa la tuhiss bil-atash. Par la suite, elle jeûnait dans les jours les plus durs, ça veut dire où il y avait une grande chaleur, elle connaissait pas la soif. Hadhihi hiya al-mar'a allati rabbat as-sabiyya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ba'da mawti ummi. Telle est la femme qui a élevé Mohammed, l'enfant Mohammed, paix soit sur lui, après le décès de sa mère. Il lui disait, Ummi, toujours il lui disait maman. Le prophète, paix soit sur lui, disait à cette femme, éthiopienne, ma mère, ô mère, ô maman. Wa marra, sami'a ahada ashabihi, yaqulu li Bilal al-Habashi. Une fois, il a entendu quelqu'un de ses compagnons dire à Bilal, l'autre éthiopien, Bilal, le grand Bilal de l'islam, l'autre noir de l'islam, Yabn al-Sawda, un compagnon dire à Bilal, ô fils de nègre, fils d'une femme noire, fils de nègre. Waïd min al-Sahaba, yaqul li Sayyidina Bilal alayhi salam, un compagnon disait à notre maître, Bilal, ô fils de nègre. Et le prophète, paix soit sur lui, a entendu. Ceci, lui qui a été élevé par la nègre. Il s'est mis automatiquement en colère. Et il dit à son compagnon, certes, tu es un homme dans lequel où il y a en toi une jahiliya. La jahiliya, c'est la période, les habitudes, les mœurs qui ont précédé l'islam. إنك امرؤ فيك جاهلية ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى Écoute, il n'y a aucun mérite du fils de la blanche par rapport au fils de la nègre ou de la noire que par la piété. بمعنى ما تقوله ça veut dire ce que tu viens de dire là من عادات الجاهلية fait partie des mœurs de la جاهلية la période qui a précédé l'islam. أما الإسلام فيقول في الآية الكريمة ça veut dire l'islam dit dans le verset coranique إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أبيضكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أبيضكم parce que dit dans un verset coranique Dieu dit les plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux Dieu n'a pas dit les plus blancs les plus pieux. فذهب الصحابي إلى بلال رضي الله عنه. Et le compagnon partit chez Bilal, que Dieu soit satisfait de lui. ووضع رأسه على التراب. et posa sa tête sur le sol, sur la terre. وَقَالَ لِبِلَالِ Et il dit à Bilal, ضَعْ رِجْلَكَ عَلَى رَأْسِي Pose ton pied sur ma tête. فَقَالَ بِلَالِ Bilal dit, non, là. قَالَ لِمَادَ Il dit, pourquoi قَالَ بِلَالِ Bilal répondit, مَا كُنْتُ لِأَضَعَ رِجْلِي عَلَى رَأْسٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ Je n'ai pas à mettre le pied sur une tête qui se prosterne à Dieu. Et il l'a pardonné. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alladhi 'allama ha'ula'i ar-rijal hadhihi al-akhlaq al-'aliyya. Ô notre Seigneur, que tes prières, tes salutations, tes bénédictions soient pour Muhammad, paix soit sur lui, qui a enseigné, qui a appris à ces hommes ces hautes moralités. لقد احب العبيد محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من حبهم لاوطانهم وابائهم les esclaves ont aimé le prophète paix soit sur lui plus un amour qui a dépassé leur amour à leur père ou à leur patrie وامنوا به et ont cru en lui اهدت خديجة رضي الله عنها إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد زواجهما. Après leur mariage, Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, offrit à Muhammad, paix soit sur lui, un cadeau. عبدا عربيا أبيضا. Un esclave arabe blond. ثمان سنوات. Qui avait l'âge de 8 ans. هذا العبد عنده 8 سنوات. وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. Et celui-ci était Zayd, fils de Haritha, que Dieu soit satisfait de lui, que tout le monde connaît. فَرَبَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ Le prophète, paix soit sur lui, l'éleva avant la prophétie. وَبَعْدَ مُدَّةِ وَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى حَارِثَ Après une période, l'information s'est propagée jusqu'à Haritha, le père de Zayd, le père de l'esclave du prophète, paix soit sur lui. فجاء مع أخيه. Il vint rapidement avec son frère من قبيلته de loin de sa tribu à lui qui était loin de la Mecque إلى مكة vers la Mecque. لأخذ ابنه الحبيب الذي فقده في إحدى الغزوات pour reprendre son cher fils à lui qu'il a perdu lors d'une gazia ou lors d'une bataille. ووصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له il arriva jusqu'à Muhammad paix soit sur lui et lui dit يا ابن عبد المطلب au fils de عبد المطلب أنتم أهل حرم الله vous êtes les gens du lieu sacré de Dieu تفكون العاني vous libérez le prisonnier تساعدون العاني على الفك Vous aidez toujours les prisonniers à être libérés. جئناك في ابننا عندك. Nous sommes venus pour reprendre notre fils qui est chez toi. فمنن علينا. Rends-nous service. واحسن إلينا. Et sois un bienfaiteur envers nous. قال ومن هو محمد paix soit sur lui dit et c'est lequel ton fils et lequel قالوا زيد بن حارثة. Ils dirent زيد fils de Haritha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم et le messager de Dieu paix soit sur lui dit فهل غير ذلك je vous propose une autre solution. قالوا وما هو ils dirent et laquelle قال أخيره je vais lui laisser le choix. فإن اختاركم فهو لكم s'il vous choisit il est à vous. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. S'il me choisit moi, par Dieu le Très-Haut, je ne suis pas celui qui va choisir autre chose que celui qui l'a choisi, à part celui qui l'a choisi. قال قبلنا. Ils dirent, nous avons accepté. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs que leur fils allait revenir avec eux. Tu as bien dit, ô Mohammed. C'est l'équité là. قبلنا. هذا هو الحق. هذا هو العدل. فدعاه. Il l'appela. فقال هل تعرف هؤلاء؟ Il lui dit, connais-tu ces gens-là? قال نعم. Il dit, oui. أبي وعمي. Mon père, mon oncle. قال اخترني أو اخترهما. Choisis-moi ou choisis les deux. قال زيد et زيد. Que Dieu soit satisfait de lui. Répondit, ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. Je ne suis pas celui qui va choisir autre chose que toi, jamais. أنت مني مكان الأب والعم. Tu es pour moi le père et l'oncle. فقال ويحك يا زيد. Il dit, malheur à toi, ô Zayd. أتختار العبودية على الحرية. Choisis-tu l'esclavage par rapport à la liberté et par rapport à ton père et ton oncle? تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك. قال نعم. Il répondit, oui. قد رأيت من هذا الرجل شيئا. J'ai vu de cet homme une chose. ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. Jamais je ne serai celui qui va choisir autre chose que lui. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, lorsque le prophète paix soit sur lui vit ceci, قال بجانب الكعبة, il dit, ils étaient à côté de la Kaaba, il dit à côté de la Kaaba, يا من حضر, ô vous présents, اشهدوا, témoignez, أن زيدا ابني يرثني وأرثه. Témoignez que Zayd est mon fils. Il mérite. C'est-à-dire, il peut prendre mon héritage après ma mort et je l'hérite. C'est-à-dire, c'est mon fils et je suis son père. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Y a-t-il autre chose comme récompense à la bienfaisance, à part la bienfaisance? Tu m'as choisi. Tu as renoncé à ton père. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Tu n'es plus mon esclave. Tu es libre. Tu es mon fils, je suis ton père. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, que les prières et les salutations de Dieu soient pour toi, ô messager de Dieu. Hada huwa rasulukum. Tel est votre messager. Il était comme ça. Hada huwa rasulukum, sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ra'a dhalika abu wa ammu. Lorsque son père et son oncle ont vu le comportement du prophète, il n'était pas encore prophète, lorsqu'ils ont vu son comportement, طابت نفوسهما فانصرفا, ils sont devenus apaisés, contents et partir. وصار ابنا بالتربية للنبي صلى الله عليه وسلم. Et il est devenu un fils adoptif du prophète, paix et salut sur lui. فدعي زيد ابن محمد. Et on l'appela à partir de ce jour Zayd, fils de Muhammad. حتى جاء الإسلام ونسخ هذه العادة. Et ceci resta jusqu'à l'arrivée de l'islam qui abrogea ces pratiques. On ne peut pas appeler un enfant le fils d'un autre s'il n'est pas son fils légitime. وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète paix soit sur lui l'a libéré. وأعتق أم أيمن. Et a libéré Ayman. De la même manière, il a libéré sa servante, sa nourrice, sa mère, l'esclave Ayman, et il les a mariés. Zayd, le blond, avec Baraka Ayman, la noire. Zawaja Zayd bi Ayman. Zawaja Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ummahu Baraka bibnihi Zayd. Le prophète, paix soit sur lui, a fait marier sa mère, Baraka, avec son fils, Zayd. Et le prophète, paix soit sur lui, disait, « Ahabbu an-nasi ilayya Zayd. » La personne la plus aimée à moi, Zayd. Il disait ça devant tout le monde. La personne la plus aimée à moi est Zayd. « Ahabbu an-nasi ilayya Zayd. » وولدت بركة ابنا. Et بركة donna naissance à un fils. وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه. Qui fut أسامة, fils de Zayd. Que Dieu soit satisfait de l'ensemble. كان يسمى Al-Hibb ibn al-Hibb. On l'appelait le bien-aimé fils du bien-aimé, ou le très cher fils du très cher. Al-Hibb, fils de Al-Hibb. Marra, a'ta Amir al-Mu'minin, Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est devenu l'émir des croyants, lorsque Omar est devenu émir des croyants après le décès du prophète, paix soit sur lui, et celui de Abu Bakr, il partageait les biens pour les musulmans. Il donna à Oussama, ce Oussama-là, fils de Zayd, 5 000. Lama kana yufarriq al-ataya, a'ta li Oussama ibn Zayd 5 000. Omar ibn Khattab, Omar fils de Khattab, l'équitable, le grand équitable, yani l'adil, wa libni Omar, wa libnihi al-fay. Et il donna à son fils, à son propre fils, à lui, l'émir des croyants, il a donné 2 000. À Oussama, 5 000. À son fils, Abdullah, fils de Omar, que Dieu soit satisfait de l'ensemble, 2 000. Faqala ibn Omar. Et le fils de Omar, Abdullah, dit, faddalta alayya Oussama. Tu as préféré Oussama par rapport à moi. Wa qad shahidtu ma lam yashhad. Et j'ai assisté à ce qu'il n'a pas assisté, ça veut dire des batailles à côté du prophète, paix soit sur lui. Faqala Omar. Omar dit, inna Oussamata kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mink. Oussama était plus aimé au prophète, paix soit sur lui, plus que toi. Wa abuhu kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min abik. Et son père était plus aimé au prophète, paix soit sur lui, que ton père à toi. Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min Zayd amiran li jayshi Mu'tah. Et le prophète, paix soit sur lui, fit de Zayd son fils adoptif, le mari de Baraka, sa nourrice à lui, au prophète, paix soit sur lui. Il a fait de lui l'émir d'une grande armée lors de la bataille de Mu'tah. Fasaqata shahidan. Il tomba comme martyr. Que Dieu soit satisfait de lui. Thumma ja'ala min ibnihi Usama amiran li jayshi fihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa kathirun min kibar al-Sahaba. Et après, le prophète, à la fin de sa vie, fit de Zayd comme son père, parce que Zayd, c'est son bien-aimé fils de sa bien-aimée Baraka et de son bien-aimé Zayd. Il fit de lui un émir d'une grande armée à la fin de sa vie, à la fin de la vie du prophète, paix soit sur lui, une armée qui contenait Omar, fils de Khattab. C'est-à-dire, il était à 18 ans, وَكَانَ عُمْرُهُ تَمَلِيَتْ عَشْرَ سَنَةً. Il avait 18 ans, il était l'émir d'une armée contenant Omar et les grands compagnons du prophète, paix soit sur lui, وَكَثِيرٌ مِنْ كِبَرِ الصَّحَابَةِ وَعُمْرُهُ تَمَلِيَتْ عَشْرَ سَنَةً وَظَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَزُورُ أُمَّ أَيْمَنْ. Et toujours, le prophète, paix soit sur lui, continuait à rendre visite à Ayman et disait, hadihi baqiyatun min bayti, tel est un reste de ma famille, ce qui me reste de ma famille. Mes oncles sont morts, mes parents sont morts, il ne me reste que celle-ci, cette bénédiction. Baraka. Elle s'appelait Baraka comme bénédiction. La traduction de Baraka, c'est bénédiction. On dit il a la Baraka, il a la bénédiction. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم, après le décès, après la mort du prophète, paix soit sur lui, زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après le décès du prophète, paix soit sur lui, Omar et Abu Bakr lui ont rendu visite à Baraka, à cette fameuse femme pieuse, exactement comme faisait le prophète, paix soit sur lui, la sunna du prophète, paix soit sur lui. فتذكرت لما رأتهما تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'elle les a vus, elle se rappela automatiquement du prophète, paix soit sur lui. فبكت, elle pleura. فقال أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. N'es-tu pas au courant que ce qui existe auprès de Dieu est meilleur pour le prophète, paix soit sur lui, que ce qui existe chez nous dans ce bas monde? فقالت بلى. Elle dit si, je le sais. ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. Mais je pleure parce que la révélation a été coupée, a été arrêtée du ciel. Il n'y a plus de révélation avant, après le prophète, paix soit sur lui. Dieu ne va plus nous parler comme autrefois dans les versets coraniques. Allah lan yukallimana kama kan fi zamani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Et ils commencèrent à pleurer comme des femmes à côté d'elle. ونعود بسرعة إلى الأبواب. Et on revient rapidement vers l'abwab, le lieu où il y a la tombe de Amina. Ha huwa as-sabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'enfant Muhammad, paix et salut sur lui. Wa ummu Ayman fi as-sahra. Et baraka, ummu Ayman dans le grand désert. Amama qabri Amina, devant la tombe de Amina. Wa tamurru al-a'wam wa al-ayyam. Les années, les jours, les mois passent rapidement. ويصير محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Et le Muhammad, l'enfant Muhammad, grandira et deviendra un prophète. Paix soit sur lui. ويقف أمام قبر أمه. Et il s'arrêta de nouveau après de longues années de combat. Il va s'arrêter une autre fois à côté de la même tombe de sa mère, Amina. كما وقف في صغره. Exactement comme lorsqu'il s'arrêtait ou il s'arrêta à son enfance à côté de sa tombe pour les adieux. وبكى بكاء كثيرا. Et il pleura avec abondance. Il a beaucoup pleuré. يقول أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة, que Dieu soit satisfait de lui, dit: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. Le prophète, paix soit sur lui, a rendu visite à la tombe de sa mère. فبكى. Et il a pleuré. وأبكى من حوله. Et il a fait pleurer tous les compagnons qui étaient à côté de lui. فقال. Il dit: استأذنت ربي في أن أستغفر لها. J'ai demandé l'autorisation de mon Seigneur pour que je lui demande à ma mère, c'est-à-dire je lui demande son absolution, le pardon. فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي. Et on ne m'a pas autorisé. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَ. Et je lui ai demandé l'autorisation à visiter sa tombe. فَأُذِنَ لِي. Et on m'a autorisé. فَزُورُ الْقُبُورِ. Rendez visite aux tombes. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. Car les tombes font rappeler à vous, ça veut dire la mort, vous font rappeler la mort. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. Rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, أبو داود النسائي. قال الإمام النووي. L'imam النووي dit, après ce hadith, هذا الحديث جوز زيارة المشركين الوالدين المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة. Ce hadith nous a rendu licite la visite des parents associateurs pendant leur vie et la visite de leur tombe après leur mort. مع النهي للاستغفار لهم. Mais seulement avec une condition, de ne pas demander leur absolution à Dieu subhanahu wa ta'ala, leur pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. وقد افتى الدكتور القرضاوي. Et le docteur, le cheikh القرضاوي, a donné cette fatwa, cet avis, بجواز زيارة مقابر غير المسلمين, comme quoi c'est licite de rendre les cimetières des non-musulmans, بالنسبة للرجال أو النساء الذين لهم آباء غير مسلمين ميتين. Pour les hommes, pour les femmes qui ont des parents non musulmans morts, min ajli at-tadabbur wal maw'idah, afin de méditer, afin de réfléchir sur la mort et sur la suite, wa min ghayri istighfarin lahum, et sans demander pour eux l'absolution, wa min ghayri qiyam bil haram, et sans faire quelque chose d'interdit dans les cimetières. Ceci pour nos frères qui sont convertis et qui veulent un jour ou un autre rendre visite à leurs parents dans leur tombe. Et là, je pose une question. Je rappelle que la leçon touche à sa fin. Je pose une question. Est-ce que Amina, est-ce que Abdullah sont des gens de l'enfer ou bien non? الجواب لا ريبونس. هناك من قال نعم بناء على احاديث. Il y a ceux qui ont dit oui en se basant sur quelques hadiths. من بينها parmi ces hadiths se trouve أن رجلا قال يا رسول الله. Un homme dit une fois au messager de Dieu أين أبي, où est mon père? قال أبوك في النار. أبوه ميت. Son père est mort pendant la jahiliya ou je sais pas. Il lui a dit ton père est en enfer, se trouve dans l'enfer. فلما ذهب, après son départ, قال, ça veut dire le départ de cet homme, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار, pour le soulager. Il lui dit mon père et le tien se trouvent tous les deux dans l'enfer, pour le soulager. Lorsqu'il l'a vu en train de partir, attristé par cette information, il lui a dit, c'est-à-dire ne t'en fais pas, mon père et le tien, les deux se trouvent dans l'enfer, rapporté par l'imam muslim et l'imam Abu Daoud. L'imam muslim ou Abu Daoud. Walakin, jumhur al-ulama qalu l'aks. Mais la majorité des savants ont dit le contraire. Wa awwalu l'ab fi hadha al-hadith bil-am. Ils ont interprété le père dans ce hadith par l'oncle. Mathalan Abu Lahab. Par exemple, Abu Lahab, l'oncle grand ennemi du prophète, paix soit sur lui. Fa kalimatu al-ab fi al-arabiyya ta'ni kadhalik al-am. Le mot père en arabe signifie aussi l'oncle. Wa qalu lam ya'dan Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam bil istighfar li ummihi li an al istighfar shartuhu al islam. Dieu n'a pas autorisé son prophète Mohammed paix soit sur lui à demander absolution pour sa mère parce que l'absolution a pour condition l'islam. On peut demander l'absolution pour quelqu'un qui est musulman. Wa qad matat ummuhu qabla al islam. Et sa maman est morte avant l'islam. وموتها قبل الإسلام لا يمنعها الدخول إلى الجنة. Et sa mort avant l'islam ne l'empêche pas d'entrer au paradis. لأنها من أهل الفترة. Parce qu'elle fait partie des gens de la fatra, la période sans prophète. الفترة التي ما كان فيها رسول. La période où il n'y avait pas de prophète. وأهل الفترة ناجون عند جمهور العلماء. Et les gens de la période sans prophète sont sauvés ou seront sauvés de l'enfer chez la majorité des savants en islam. Raison pour laquelle j'ai trouvé parmi les savants, lamma yadhkur Amina wa Abdullah ou Abdullah, lorsqu'il cite dans son livre le mot Amina ou le mot Abdullah, waliday an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, les parents du prophète paix soit sur lui, yaktub, il écrit rahimahallah wa radiya anha. Il dit que Dieu lui accorde sa miséricorde et qu'il soit satisfait d'elle, c'est-à-dire d'Amina, comme ce qu'on dit pour un compagnon du prophète paix soit sur lui. Comme on dit les sahabi ou akthar. Wa dalil al-jumhur, l'argument de la majorité, qawluhu ta'ala, le verset coranique dans lequel Dieu dit wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ma nu'adhib qawm hatta nab'ath lahum rasul. Idha lam nab'ath rasul ma nu'adhib. هكذا يقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Nous ne soumettons jamais au supplice avant d'envoyer auparavant un messager. وقوله تعالى, et le verset dans lequel Dieu dit, le verset clair aussi, كلما ألقي فيها فوج في جهنم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ملائكة ديال جهنم سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. واش ما جاكمش شي رسول شي نذير؟ ألم ياتكم نذير؟ قالوا أهل النار الذين يدخلون جهنم الفوج. قالوا بلى نعم جاءنا قد جاءنا نذير فكذبنا. الله لا يدخل إلى جهنم إلا الذي أتاه نذير وكذب. كلما ألقي فيها فوج يسألونهم هذا السؤال فكلهم يجيبون جاءنا النذير وكذبنا. معنى إذا لم يأتي النذير لا تدخل جهنم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Dieu dit dans ce deuxième verset, chaque fois qu'on y jette un groupe, chaque groupe jeté dans l'enfer, chaque fois qu'on y jette un groupe, ces gens, ces anges gardiens leur demandent, leur posent cette question, est-ce qu'il ne vous est point venu un avertisseur? Ils dirent, si, il nous est effectivement venu un avertisseur, mais nous avons mais nous avons crié au mensonge et avons dit Dieu n'a rien fait descendre. Ces versets montrent la grande équité, la grande justice de Dieu. Il ne châtie jamais avec le feu que ceux qui ont ou qui ayant reçu ou accueilli un messager et qui l'ont traité de menteur. Amma ashab al-fatra, tandis que les gens de la période sans prophète, allati lam yakun fiha rasoul, ka ashab al-jahiliya, comme les gens de la jahiliya, la période qui a précédé l'islam, wa sukkan al-juzur al-ba'id, et les habitants des îles lointaines, الذين لم يسمعوا بالإسلام qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. وأولاد المشركين والكفار الذين ماتوا قبل التكليف, les enfants des mécréants, des associateurs morts avant l'âge de la puberté, de la responsabilité. والمجنون, celui qui est malade d'une maladie mentale, le fou. والأصم, le sourd, إلى آخره, etc. وأضاف إليهم الإمام أبو حامد الغزالي, يا tous ces gens-là, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, que Dieu soit satisfait de lui, rajouta à ce groupe, كذلك الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, ceux qui ont reçu, qui ont entendu l'invitation du prophète paix soit sur lui à l'islam, دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, بأخبار مكذوبة, mais avec des informations mensongères, وطريقة محرفة مشوهة, et d'une façon déformée, défigurée. فكل هؤلاء من أصحاب الجنة إن شاء الله, tous ces gens-là sont dans le paradis si Dieu le veut, والله أعلم, et Dieu est l'unique sachant. وبعد هذا التوضيح, après cet éclaircissement, نفارق الصبي, هذا الصبي محمد صلى الله عليه وسلم, on va quitter cet enfant محمد صلى الله عليه وسلم, وهو في طريقه إلى مكة, dans son chemin de retour vers la Mecque, مع أم أيمن, accompagné de أم أيمن, que Dieu soit satisfait, soit satisfait d'elle, رضي الله عنها, على أمل اللقاء به في حصة قادمة إن شاء الله, dans l'espoir de le rencontrer dans une autre séance prochaine si Dieu le veut. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.